Leçon 5, semaine du 23 au 29 avril. Toutes les nations et Babel. Samedi après-midi, verset à mémoriser. C'est pourquoi on appela son nom Babel, car là l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et de là l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Genèse 11 au verset 9. Après le déluge, le récit biblique change d'axe et passe d'un seul individu, Noé, à ses trois fils, Sem, Cam et Japhet. L'attention particulière portée sur Cam, le père de Canaan, Genèse 10 au verset 6 et 15, introduit l'idée de Canaan, la terre promise, Genèse 12 au verset 5. Une anticipation d'Abraham dont la bénédiction irait à toutes les nations. Genèse 12 au verset 3. Cependant, la lignée est interrompue par la tour de Babel. Genèse 11 au verset 1 à 9. Une nouvelle fois, le plan de Dieu pour l'humanité sont perturbés. Ce qui était censé être une bénédiction, la naissance de toutes les nations, devient l'occasion d'une autre malédiction. Les nations s'unissent afin d'essayer de prendre la place de Dieu. Dieu répond par un jugement sur elle. Et, à travers la confusion qui s'ensuit, les gens se retrouvent éparpillés dans le monde. Genèse 11 au verset 8. Et accomplissent ainsi le projet originel de Dieu qui était de remplir la terre. Genèse 9 au verset 1. Finalement, malgré la méchanceté humaine, Dieu change le mal en bien. Il a, comme toujours, le dernier mot. La malédiction de Cam dans la tente de son père, Genèse 9, versets 21 et 22, et la malédiction des nations dans la confusion se changeront en définitive en une bénédiction pour les nations. Dimanche, la malédiction de Cam. Lisez Genèse 9, versets 18 à 27. Quel est le message de cette étrange histoire ? Ce que fait Noé dans sa vigne fait écho à Adam dans le jardin d'Éden. Les deux histoires comportent deux motifs communs. Il est question de manger d'un fruit et de se retrouver nu, ensuite de se couvrir, puis d'une malédiction et d'une bénédiction. Noé se relie à ses racines adamiques et malheureusement, il perpétue ce fiasco. La fermentation du fruit ne faisait pas partie de la création originelle de Dieu. Noé se laissa tenter, puis perdit le contrôle de lui-même et se découvrit. Le fait que Cam vit, sa nudité fait allusion à Ève qui vit également le fruit interdit. Genèse 3 au verset 6. Le parallèle indique que Cam n'a pas simplement vu furtivement, accidentellement la nudité de son père. Il est allé en parler sans même essayer de s'occuper du problème. A contrario, la réaction immédiate de ses frères qui ont couvert leur père, tandis que Cam l'avait laissé nu, dénonçait implicitement les actions de Cam. L'enjeu ici est davantage le respect de ses parents. Le fait de ne pas honorer ses parents, qui représentent notre passé, affecte notre avenir. Exode 20, verset 12, voir Éphésiens 6, verset 2. D'où la malédiction qui influencera l'avenir de Cam et celui de son fils Canaan. Bien sûr, ce serait une grossière erreur théologique et un crime éthique d'utiliser ce texte pour justifier de quelconque théorie raciste. La prophétie se limite uniquement à Canaan, le fils de Cam. L'auteur biblique pense à certaines pratiques corrompues des Cananéens. Genèse 19, versets 5 à 7, 31 à 35. De plus, la malédiction contient une promesse de bénédiction avec un jeu de mots sur le nom de Canaan qui vient du verbe « cana » qui signifie « soumettre ». C'est en soumettant Canaan que le peuple de Dieu, les descendants de Sem, entreront en terre promise et prépareront le chemin pour la venue du Messie qui élargira Japhet dans les tentes de Sem, Genèse 9 au verset 27. Il s'agit d'une allusion prophétique à l'élargissement de l'alliance de Dieu à toutes les nations qu'accueilleront le message du salut d'Israël pour le monde. Daniel 9 au verset 27, Ésaïe 66 verset 18 à 20, Romains 11 au verset 25. La malédiction de Cam sera en fait une bénédiction pour toutes les nations, y compris tous les descendants de Cam et de Canaan qui accepteront le salut offert par le Seigneur. Noé, le héros du déluge ivre, qu'est-ce que cela devrait nous indiquer sur nos faiblesses à tous et sur la raison pour laquelle nous avons besoin de la grâce de Dieu à chaque instant de nos vies? Lundi 25 avril, la généalogie de Genèse. Les informations chronologiques sur l'époque de Noé nous permettent de prendre conscience que Noé sert de lien entre les deux civilisations antédiluviennes et post-diluviennes. Les deux derniers versets de l'histoire précédente, Genèse 9, versets 28 et 29, nous ramènent au dernier maillon de la généalogie d'Adam, Genèse 5, au verset 32. Comme Adam est mort, quand Lémec, le père de Noé, avait 56 ans, Noé a sûrement dû entendre des histoires sur Adam qu'il a pu transmettre à ses descendants avant et après le déluge. Lisez Genèse 10. À quoi sert cette généalogie dans la Bible? Voir également Luc 3, versets 23 à 38. La généalogie biblique a trois fonctions. D'abord, elle souligne la nature historique des événements bibliques qui sont racontés à des personnes réelles qui ont vécu puis sont mortes et dont les jours sont précisément dénombrés. Deuxièmement, elle démontre la continuité depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine de l'auteur, établissant un lien clair entre le passé et le présent. Troisièmement, elle nous rappelle la fragilité humaine et les effets tragiques de la malédiction du péché, ainsi que ses conséquences mortelles sur toutes les généalogies qui ont suivi. Remarquez que la classification des Camites, Sémites et Japhétites ne sont pas des critères clairs. Les 70 nations annoncent les 70 membres de la famille de Jacob, Genèse 46 au verset 27, et les 70 anciens d'Israël au désert, Exode 24 au verset 9. L'idée d'une correspondance entre les 70 nations et les 70 anciens sous-entend la mission d'Israël envers les nations. Quand le Très-Haut donna un patrimoine aux nations, quand il sépara les humains, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des Israélites, Deutéronome 32 au verset 8. Dans le même ordre d'idées, Jésus renvoie 70 disciples pour évangéliser, Luc 10 au verset 1. Cette information nous montre le lien direct entre Adam et les patriarches. Ce sont tous des personnes historiques, des personnes ayant vraiment existé depuis Adam. Cela nous aide également à comprendre que les patriarches avaient un accès direct à des témoins qui avaient des souvenirs personnels de ces anciens événements. Lisez Matthieu 1, versets 1 à 17. Que nous enseigne ce passage sur l'historicité de tous ces gens? Pourquoi le fait de connaître et de croire qu'ils étaient des personnes réelles est-il important pour notre foi? Mardi 26 avril. Une seule langue. Lisez Genèse 11 au verset 1 à 4. Pourquoi les gens de toute la terre étaient-ils aussi motivés pour atteindre l'unité? L'expression « toute la terre » renvoie à un petit nombre de gens, ceux qui étaient vivants après le déluge. La raison de ce rassemblement est clairement indiquée. Ils voulaient bâtir une tour qui atteigne le ciel. Genèse 11 au verset 4. En fait, leur véritable intention est de prendre la place de Dieu lui-même, le Créateur. De façon significative, la description des intentions et des actions des gens fait écho aux intentions et aux actions de Dieu dans le récit de la création. Ils dirent, Genèse 11 au verset 3 et 4, voir Genèse 1 verset 6, 9 et 14. Faisons, Genèse 11 au verset 3 et 4, voir Genèse 1 verset 26. Leur intention est établie explicitement. Faisons-nous un nom. Genèse 11 au verset 4, expression est exclusivement employé pour Dieu Ésaïe 63 au verset 12 et 14. En bref, les bâtisseurs de Babel remplacent l'ambition déplacée de remplacer Dieu, le Créateur. Et nous savons qui a inspiré cela, n'est-ce pas? Voir Ésaïe 14 au verset 14. Le souvenir du déluge a certainement joué un rôle dans leur projet. Ils bâtissaient une haute tour afin de survivre à un autre déluge si jamais il devait se produire, malgré la promesse de Dieu. Le souvenir du déluge avait été préservé dans la tradition babylonienne, bien que déformé en lien avec la construction de la ville de Babel, Babylone, cet effort ascendant pour atteindre le ciel et usurper Dieu caractérise bien l'esprit de Babylone. C'est pourquoi l'histoire de la tour de Babel est un thème aussi important dans le livre de Daniel également. La référence à Shinéar qui introduit le récit de la tour de Babel, Genèse 11 au verset 2, réapparaît au début du livre de Daniel afin de désigner le lieu où Nebuchadnezzar a fait transporter les objets du temple de Jérusalem, Daniel 1 au verset 2. Parmi les autres nombreux passages du livre, l'épisode de Nebuchadnezzar érigeant la statue d'or, probablement au même endroit, dans la même plaine, est de plus emblématique de cet état d'esprit. Dans ses visions de la fin, Daniel voit le même scénario des nations de la terre qui se rassemblent pour atteindre l'unité contre Dieu. Daniel 2, verset 43, Daniel 11, verset 43 à 45, voire Apocalypse 16, verset 14 à 16, bien que cette tentative soit vouée à l'échec, comme ce fut le cas avec Babel. Un célèbre auteur profane français du siècle dernier a dit que le grand objectif de l'humanité est d'essayer d'être Dieu. Qu'y a-t-il en nous, en commençant par Adam et Ève en Éden, Genèse 3, verset 5, qui est attiré par ce dangereux mensonge? Mercredi 27 avril. Descendons donc. Lisez Genèse 11 au verset 5 à 7 et Psaume 139 verset 7 à 12. Pourquoi Dieu est-il descendu sur la terre à ce moment-là? Quel événement a motivé sa réaction? Ironiquement, alors que les hommes montaient, Dieu est descendu vers eux. Ce mouvement descendant de Dieu est une affirmation de sa suprématie. Dieu sera toujours hors de portée. Tous les efforts humains pour s'élever jusqu'à lui, afin de le rencontrer au ciel, sont inutiles et ridicules. Aucun doute là-dessus, c'est pour cette raison que pour nous sauver, Jésus est descendu vers nous. Il n'y avait aucun autre moyen pour lui de le faire. La déclaration de Dieu dans le récit de la tour de Babel est empreinte d'une grande ironie. Pour voir la ville et la tour, Genèse 11 au verset 5, Dieu n'avait pas besoin de descendre pour voir. Psaume 137 au verset 7 à 12, voir Psaume 2 au verset 4. Mais c'est quand même ce qu'il a fait. Le concept souligne l'implication de Dieu dans l'humanité. Lisez Luc 1 au verset 26 à 33. Que nous enseigne ce passage sur le fait que Dieu descend vers nous. Le fait que Dieu descende nous rappelle également le principe de justification par la foi et le processus de la grâce de Dieu. Quelle que soit l'œuvre que nous accomplissions pour Dieu, il devra toujours descendre pour venir à notre rencontre. Ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu qui nous conduira à lui et à la rédemption. C'est plutôt le mouvement de Dieu vers nous qui nous sauvera. En fait, à deux reprises, le texte de Genèse parle de Dieu qui descend, ce qui semble impliquer combien il se souciait de ce qui se passait sur terre. D'après le texte, le Seigneur voulait mettre un terme à l'unité profonde des gens qui, étant donné leur condition déchue, ne pouvaient conduire qu'à davantage de mal encore. C'est pourquoi il choisit de confondre leur langue, ce qui mettrait un terme à leur plan d'unité. Les projets de constructeurs de Babel s'effondrèrent dans la défaite et la honte. Le monument de leur orgueil devint celui de leur folie. Néanmoins, les hommes continuèrent à l'exemple de Satan dans le ciel et de Caïn sur la terre, à marcher dans la même voie, à agir à leur guise et à rejeter la loi de Dieu. Il existe encore aujourd'hui des bâtisseurs de tours. Ellen White, Patriarche et prophète, page 100. En quoi voyons-nous dans le récit de la tour de Babel un exemple de l'orgueil humain et de la manière dont, en définitive, il échoue encore? Quelle leçon personnelle peut-on en tirer de cette histoire? Jeudi 28 avril. La rédemption de l'exil. Lisez Genèse 11 au verset 8 à 9 et Genèse 9 au verset 1. Comparé avec Genèse 1 au verset 28. Pourquoi la dispersion de Dieu est-elle rédemptrice? Le dessein et la bénédiction de Dieu pour les humains étaient qu'ils se multiplient et remplissent la terre. Genèse 9 au verset 1, voire Genèse 1 au verset 28. Allons à l'encontre du plan de Dieu. Les bâtisseurs de la tour de Babel préféraient rester ensemble en tant que peuple unique. Parmi les raisons qu'ils invoquèrent pour bâtir la ville, il y avait le fait qu'ils ne voulaient pas être dispersés sur toute la terre. Genèse 11 au verset 4. Ils refusèrent de déménager ailleurs, pensant peut-être qu'ensemble ils seraient plus puissants que séparés et dispersés. Et en un sens, ils avaient raison. Malheureusement, ils cherchèrent à utiliser leur puissance d'unité pour le mal et non pour le bien. Ils voulurent se faire un nom, reflet puissant de leur propre arrogance et de leur propre orgueil. En effet, chaque fois que les humains, dans une attitude de défi ouverte envers Dieu, veulent se faire un nom, nous pouvons être sûrs que cela va mal tourner. C'est toujours le cas. Ainsi, dans un jugement contre leur attitude de défi pure et simple, Dieu les dispersa sur toute la terre. Genèse 11 au verset 9, exactement ce qu'ils ne voulaient pas. Fait intéressant, le nom de Babel signifie « porte de Dieu », est aussi lié au verbe « balala » qui signifie « confondre », Genèse 11 au verset 9. C'est parce qu'ils voulaient atteindre la porte de Dieu, parce qu'ils se considéraient comme Dieu, qu'ils se retrouvèrent dans la confusion et beaucoup moins puissants qu'avant. Parmi les gens de Babel qui avaient décidé d'établir un gouvernement indépendant du Très-Haut, se trouvaient quelques hommes craignant Dieu qui, trompés sur les intentions des impies, avaient été entraînés dans leurs entreprises. Par égard pour eux, et afin de donner aux meneurs le temps de révéler le vrai caractère, le Seigneur avait tardé à exécuter ses jugements. Reconnaissant leur erreur, ces fils de Dieu s'efforcèrent de détourner les apostats de leur projet, mais ils se heurtèrent à une volonté inébranlable de défier Dieu du ciel. Si l'œuvre de ces derniers n'avait été mise en échec, si leur confédération visant à l'organisation d'un empire où l'on n'aurait fait à Dieu ni place ni honneur n'avait été dissoute, l'humanité aurait été démoralisée dès son enfance. Ellen White, Patriarche et prophète, page 99. Pourquoi devons-nous faire attention à ne pas chercher à nous faire un nom? Vendredi 29 avril. Pour aller plus loin, lisez Ellen White, La Tour de Babel, page 95 à 101, dans le livre Patriarches et prophètes. Au projet qu'ils conçurent de bâtir une ville, ils ajoutèrent celui de construire une tour dont la hauteur fabuleuse ferait l'admiration du monde. Cette double entreprise avait pour but d'éviter de se séparer en colonies, contrairement à l'ordre de Dieu, et de se disperser sur la face de la terre, de la remplir et de la soumettre. Les fondateurs de Babel entendaient se maintenir en une seule communauté et fonder une monarchie qui embrasserait un jour la terre tout entière. Leur cité deviendrait ainsi la métropole d'un empire universel. Sa gloire devait être la merveille du monde et les noms de ses fondateurs passeraient à la postérité. De même, la tour dont le sommet atteindrait jusqu'au ciel serait un monument de la sagesse et du génie de ses constructeurs et perpétuerait leur réputation jusqu'aux dernières générations. les habitants de la plaine de Shinéar ne croyaient pas à la promesse divine annonçait qu'on ne verrait plus de déluge. Un grand nombre d'entre eux niaient même l'existence de Dieu et attribuaient cette catastrophe à des causes naturelles. D'autres croyaient à un être suprême, mais semblable à Caïn. Ils se révoltaient contre lui. En donnant à cette construction une hauteur plus élevée que la limite atteinte par la récente catastrophe, ils pensaient se mettre à l'abri de tout danger. En outre, la grandeur de la tour allait leur permettre de monter jusqu'à la région des nuages où ils espéraient découvrir les causes du cataclysme. En un mot, toute cette entreprise avait pour but de satisfaire l'orgueil de ses initiateurs et d'éteindre la connaissance de Dieu chez les générations futures. Ellen White, Patriarche et Prophète, page 97. À méditer. Quel exemple avons-nous dans l'histoire, ou même aujourd'hui, des ennuis que peuvent créer ceux qui cherchent à se faire un nom? Comment, en tant qu'Église, peut-on éviter le danger qui consiste à chercher à bâtir notre propre tour de Babel? De quelle manière sommes-nous, peut-être en réalité, en train d'essayer de faire exactement cela, même inconsciemment?